déchaîne les enfers. Ton daron a commis l'adultère. J'entends que tu fais des affaires. Viens là, il faut qu'on coopère. Le coq m'a porté donc j'ai kické. Idrissa m'a dit de m'appliquer. Le poulet gros, je vais la stiquer. J'allume mon soquet avec mon briquet. Oulala, oulala, oulala. Ça pue le pipi dans mon trou ara. Ma femme passe son temps chez le Poumara. Elle croit que la trompe avec la fille des Tunkara. Faut que je m'arrache, Igo, oui, faut que je m'arrache. Partir d'ici pour faire du chupara. S'ils font la fête, c'est que je suis pas là, je leur fais la guerre. African Bombing Clan. Igo, chez toi, c'est chez moi. Mais tu viens chez moi, on te nettoie. Y'a que dans le crime qu'on est des bénévoles. Meurs, homicide volontaire. Bâtard, ramène ton grand frère. Et dis-lui qu'ici, on va le tenir. J'espère que t'as pas idée de venir. Une balle dans la cuisse pour te punir. Je sais qu'ils veulent ma peau. Mais je ne sens plus l'écho. J'suis mon bédo. Combien de frères à moi ne reverront pas le jour dans mon bendo. Mais dites-moi quel charo l'a pas fait. Au lycée j'ai caché mon carnet. Je suis rentré, maman m'a baffé. Après les tirs on ramassera les douilles. La plupart du crew est affleuri. Tu veux faire la guerre, prévois des mouchoirs. C'est pas dans mon camp que ça va pleurer. Je sais que je suis attendu, les nerfs sont tendus. Chaque nouveau son je recherche le butu. J'ai craché la haine de mon vécu. Je suis venu, j'ai chanté, j'ai vaincu. Demain c'est loin, il faut faire du sale. Y'a que quand je prie que je me console. Moi j'ai la haine comme Vincent Cassel. J'ai fait la vaisselle et je l'ai fait tout seul. Ils diront toujours qu'on a mal fait. Mais peuvent-ils accomplir la même chose? C'est Dieu qui donne, moi je n'ai rien fait. Seigneur, donne-leur quelque chose. Je sais qu'ils veulent ma peau, mais je ne sens plus l'écho. J'suis mon bédo. Combien de frères à moi ne reverront pas le jour dans